dans le viseur, t'as tiré dans le mille. Je contrôle pas ma jalousie, c'est comme ça quand je suis piqué. Si tu sors de ma vie, je tombe dans le vide. C'est à toi de décider, mon soldat défile. Toi, mon soldat, aie confiance en moi. Écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat, faut pas écouter les bails noirs. Puis moi tu suivras le brouillard. Oh mon soldat, mon soldat, oh mon soldat, aie confiance en moi. Écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat.